Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série autour de la chambre. Demain, nous parlerons de Jean-Paul Sartre, surtout de ses textes huis clos. La chambre, c'est le titre d'une de ses nouvelles, ainsi que des séquestrés d'Altona, trois variations autour de la chambre pour celui qui pensait que l'enfer, c'est les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que pense son personnage. On verra si c'était ce que pense Sartre lui-même. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On sera ravis de répondre à vos remarques et à vos commentaires. On se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.